Premier livre des Rois, chapitre 13. Et voici, un homme de Dieu vint de Juda à Bethel avec la parole de l'Éternel, lorsque Jéroboam se tenait près de l'autel pour y faire des encensements. Et il cria contre l'autel selon la parole de l'Éternel, et dit, Autel. Autel, ainsi a dit l'Éternel, voici, un fils naîtra à la maison de David, qui aura nom Josia, il immolera sur toi les sacrificateurs des hauts lieux, qui font des encensements sur toi, et on brûlera sur toi les os des hommes. Et il proposa ce jour-là même un miracle, en disant, c'est ici le miracle dont l'Éternel a parlé, voici, l'autel se fendra tout maintenant, et la cendre qui est dessus sera répandue. Or il arriva qu'aussitôt que le roi eut entendu la parole que l'homme de Dieu avait prononcée à haute voix contre l'autel de Bethel, Jéroboam étendit sa main de l'autel, en disant, saisissez-le. Et la main qu'il étendit contre lui devint sèche, et il ne la put retirer à soi. L'autel aussi se fendit, et la cendre qui était sur l'autel fut répandue, selon le miracle que l'homme de Dieu avait proposé suivant la parole de l'Éternel. Et le roi prit la parole, et dit à l'homme de Dieu, « Je te prie qu'il te plaise de supplier l'Éternel ton Dieu, et de faire prière pour moi, afin que ma main retourne à moi. » Et l'homme de Dieu supplia l'Éternel, et la main du roi retourna à lui, et elle fut comme auparavant. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, et y dîne, et je te ferai un présent. » Mais l'homme de Dieu répondit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai point chez toi, et je ne mangerai point de pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu-ci. Car il m'a été ainsi commandé par l'Éternel, qui m'a dit, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne t'en retourneras point par le chemin par lequel tu y seras allé. Il s'en alla donc par un autre chemin, et ne s'en retourna point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or il y avait un certain prophète, vieux homme, qui demeurait à Bethel, à qui son fils vint raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites ce jour-là à Bethel, et les paroles qu'il avait dites au roi, et les enfants de ce prophète les rapportèrent à leur père. Et leur père leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Or ses enfants avaient vu le chemin par lequel l'homme de Dieu, qui était venu de Juda s'en était allé. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi un âne, » et ils le scellèrent, puis il monta dessus. Et il s'en alla après l'homme de Dieu, et le trouva assis sous un chêne, et il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Et il lui répondit, « C'est moi. » Alors il lui dit, « Viens avec moi dans la maison, et y mange du pain. » Mais il répondit, « Je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai point de pain, ni je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-là. Car il m'a été dit de la part de l'Éternel, « Tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne t'en retourneras point par le chemin par lequel tu y seras allé. » Et il lui dit, « Et moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, en disant, « Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain, et qu'il boive de l'eau, » mais il lui mentait. Il s'en retourna donc avec lui, et il mangea du pain, et but de l'eau dans sa maison. Et il arriva que comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, en disant, « Ainsi a dit l'Éternel, parce que tu as été rebelle au commandement de l'Éternel, et que tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait prescrit, mais tu t'en es retourné, et tu as mangé du pain, et bu de l'eau dans le lieu dont l'Éternel t'avait dit, « N'y mange point de pain, et n'y bois point d'eau, ton corps n'entrera point au sépulcre de tes pères. » Or après qu'il eut mangé du pain, et qu'il but, le vieux prophète fit sceller un âne, pour le prophète qui l'avait ramené. Puis ce prophète s'en alla, et un lion le rencontra dans le chemin, et le tua, et son corps était étendu par terre dans le chemin, et l'âne se tenait auprès du corps, le lion aussi se tenait auprès du corps. Et voici quelques passants virent le corps étendu dans le chemin, et le lion qui se tenait auprès du corps, et ils vinrent le dire dans la ville où ce vieux prophète demeurait. Et le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu, l'ayant appris, dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été, rebelle au commandement de l'Éternel, c'est pourquoi l'Éternel l'a livré au lion, qu'il aura déchiré après l'avoir tué, selon la parole que l'Éternel avait dite à ce prophète. » Et il parla à ses fils, en disant, « Scellez-moi un âne, » et ils le lui scellèrent. Et il s'en alla, et trouva le corps de l'homme de Dieu étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient auprès du corps. Le lion n'avait point mangé le corps, ni déchiré l'âne. Alors le prophète leva le corps de l'homme de Dieu, et le mit sur l'âne, et le ramena, et ce vieux prophète revint dans la ville pour en mener deuil, et l'ensevelir. Et il mit le corps de ce prophète dans son sépulcre, et ils pleurèrent sur lui, en disant, « Hélas mon frère !» Et il arriva qu'après qu'il l'eut enseveli, il parla à ses fils, en disant, « Quand je serai mort, ensevelissez-moi au sépulcre où est enseveli l'homme de Dieu, et mettez mes os auprès de lui. » Car ce qu'il a prononcé à haute voix selon la parole de l'Éternel contre l'autel qui est à Bethel, et contre toutes les maisons des hauts lieux, qui sont dans les villes de Samarie, arrivera infailliblement. Néanmoins Jéroboam ne se détourna point de son mauvais train, mais il revint à faire des sacrificateurs des hauts lieux d'entre les derniers du peuple, quiconque voulait, se consacrait, et était des sacrificateurs des hauts lieux. Et cela tourna empêché à la maison de Jéroboam, qui fut effacé et exterminé de dessus la terre.